Attention, mes amis, on va passer aux choses sérieuses. J'espère que vous étiez dans votre poste de télévision hier. Non, parce que c'était un peu l'événement hier soir à 20h50 sur M6. Bon, pour ceux qui ont loupé, voilà un petit résumé. Vous allez voir, ça dépote, comme dirait Michou quand il perd son anus. Vous allez maintenant découvrir l'identité de notre bachelor. Quelle tension, mes amis, après Olivier, après Steven, qui sera le nouveau bourreau des cœurs et des culs? Vous allez maintenant découvrir l'identité de notre bachelor. Autant vous dire qu'il a tout pour lui. Il est beau, il est extrêmement sympathique, il est intelligent, il est très sportif. Notre nouveau bachelor s'appelle Helmut. Bienvenue dans Bachelor Helmut. Elles sont 20, elles sont superbes, elles sont intelligentes, elles savent faire la vaisselle, elles courent le 100 mètres en moins de 15 secondes et faire jouer un homme dans les mêmes délais. Elles ont un rêve et un seul, faire craquer Bachelor Helmut et devenir sa girlfriend, voire peut-être sa meuf. Mais à propos d'Helmut, que sait-on? Pas grand-chose en fait. Écoutons-le se présenter. Salut. Je m'appelle Helmut. Helmut Perchu. Je suis originaire de la région du Tyrol. Tyrol où j'ai obtenu, avec mention félicitations du Kaiser, mon diplôme de gynécologue plombier. Je suis ceinture léopard de Kung Fu. J'ai pratiqué le jokari à un niveau professionnel. Mes patients, les femmes, mon exploit, j'ai déjà fait jouer une morte. À présent que nous connaissons un peu mieux notre bachelor, retrouvons-le dans le salon de la peur où il rencontre une à une les prétendantes. T'es qui, toi? Magali. C'est pour faire genre mignon, ta voix, ou tu parles vraiment comme une conne? Ben quoi, je comprends pas. Allez, barre-toi. Pas de temps à perdre. Suivante. Salut, je m'appelle Barbara. Je suis une fille qui a des rêves de famille, un poudet. Casse-toi, je t'ai reconnu, Zouzou. Bon, oh, allez, laisse-moi rester une poésie. Non. Suivante. Salut, je m'appelle Angèle, j'ai 18 ans. T'es prête à quoi, Angèle, pour réussir? Je suis prête à tout. Une fois, j'ai couché avec un âne pour passer dans 30 millions d'amis. J'adore. Eh bien, ma foi, les entretiens vont bon train avec Bachelor Helmut. La suite promet d'être croustillante. À la semaine prochaine. Voilà, mes amis. Eh ben, dis donc. Hein? T'as vu ça? Mon cri-cri? T'as fait un bon début de sélection, en tout cas. Ça, c'est de la télé. Allez, au vidéo, Zelle.